Et nous sommes tous, cher François Morel, Fabrice Lucchini, Bertrand Tavernier, Bruno Dumont, Augustin Trapenard, Eva Bétan, nous sommes tous au garde à vous pour vous écouter. C'est à vous, François. C'est trop. Je profite d'une matinale consacrée au cinéma pour mettre en valeur un acteur qui n'aura jamais l'outrecuidance de se mettre lui-même en avant, un acteur modeste et cependant charismatique, un acteur qui joue de ses fragilités mais se révèle solide, puissant, victorieux. Un corps de rêve, une plastique idéale, un regard de braise, une bouche sensuelle, une assurance charnelle. Quand elle croise son regard, les femmes immédiatement baissent les yeux, les chattes miaulent. Les hommes hurlent, les chiens frétillent de la queue, quand ce n'est pas le contraire. Chacune, chacun, en le contemplant, se surprend aussitôt à avoir les pensées les plus interlopes. Sur l'écran intérieur et cinémascope de conscience troublée apparaissent alors des images de chevauchements et de corps entremêlés de transpiration et d'athlétiques accouplements. Cet homme, depuis hier après-midi, promène son déhanché voluptueux sur la croisette. Il côtoie les plus grands réalisateurs, les acteurs les plus prestigieux, les producteurs les plus influents. Cher Bertrand, Bruno, Fabrice, il est face à vous en ce moment, superbe et cependant dépassé par sa puissance sexuelle, débordé par son érotique aura. Je veux naturellement parler de Patrick Cohen. Patrick Cohen, monstre sacré de la radio, roi du PAF, celui dont le prestige est tellement immense que chacun de ses dîners est retransmis chaque soir en direct dans le cadre de l'émission C'est à vous. Patrick Cohen, que l'on peut admirer en ce moment dans la série Marseille, unanimement salué par la critique, ouais, et dans laquelle sans doute involontairement il vole la vedette à Gérard Depardieu. Oui, les producteurs de Netflix ont eu la sublime idée de confier le rôle du journaliste vedette de France Inter, Patrick Cohen, à l'acteur Patrick Cohen. Au départ, personne n'y croyait. Patrick Cohen, pensait-on, ne va jamais accepter de jouer le rôle de Patrick Cohen. Ce n'est pas de son niveau. La directrice de casting le jugeait trop beau, trop grand, trop céleste pour interpréter le rôle d'un journaliste du service public. Attention, je te signale, c'est quand même qu'un journaliste radio. Il n'a pas besoin d'avoir le physique de Pujadas. Quelqu'un eut même l'idée de proposer le rôle de Patrick Cohen à Jean-Jacques Bourdin. Mais le producteur tint bon, il souhaitait un casting haut de gamme, exigeant, populaire, sans être populiste. Ce sera Patrick Cohen pour jouer le rôle de Patrick Cohen, où la série Marseille n'existera pas. Bien lui en a pris, Patrick Cohen est plus que crédible dans le rôle de Patrick Cohen. Il explose, il irradie, il éclate, il rayonne. Et l'on regrette tout d'un coup que d'autres producteurs, d'autres réalisateurs n'aient pas eu cette inspiration. Avantageusement, Patrick Cohen aurait pu utiliser sa fibre poétique pour jouer le rôle titre Patterson dans le film de Jim Jarmusch. Il aurait pu se servir de ses talents de bricoleur pour interpréter le rôle du menuisier dans Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Il aurait pu mettre en avant sa féminité en endossant le rôle de Julieta dans le film d'Almodovar. Le seul rôle où on ne l'imagine pas finalement, c'est peut-être celui de Monsieur Zuccarelli, le père de Vincent Lacoste, dans le court-métrage Après Suzanne de Félix Moati, dans lequel il fallait sûrement un acteur encore plus exceptionnel. Bon festival à tous.